Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la traduction du troisième cours de la série Ismul Jalala alladhi yukhawifu Allahu bihi ibadah. Le nom sublime par lequel Allah effraie ses serviteurs. Du Sheikh Abu Arafa Sarahaddin ibn Ibrahim. Nous avons vu dans les deux cours précédents les fois où Allah cite son nom Ar-Rahman, notamment dans Sourate Maryam, qui est la Sourate où Allah cite le plus de fois son nom Ar-Rahman, 16 fois, et dans la Sourate Taha. Nous allons aujourd'hui faire une pause un petit peu dans ce nom et dans cette méthodologie, et nous allons plutôt voir l'importance et la grandeur du fait de connaître les noms d'Allah, et nous vous corrigerons aussi la compréhension de certains noms, notamment Al-Aziz, Al-Hakim, ou Al-Latif, et bien sûr Ar-Rahman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le Cheikh dit, nous étions donc dans un nom sublime d'Allah et grandiose, et les croyants se réjouissent du fait que nous apprenions les noms d'Allah. D'autant plus que nous sommes dans l'un de ses noms les plus sublimes et l'un de ses noms principaux. Et d'ailleurs, il apparaît aux croyants, lorsqu'ils lisent le Coran, que le nom le plus grandiose, le plus sublime, le plus magnifique qui a été révélé est Allah. Il suffit pour voir ça et pour s'en rendre compte que le nom Allah est cité dans le Coran 2703 fois. Et le nom qui suit, le deuxième nom le plus cité, est cité 114 fois. Et cela sans compter Al-Basmala. Donc 2703 fois, Allah s'appelle par son propre nom. D'ailleurs, alors que nous sommes dans Bayt al-Aqsa, dans la maison sainte de Jérusalem, dans la mosquée sainte de Jérusalem, où toutes les mosquées, comment s'appellent? Ce sont les maisons de qui? Beytou, Beytullah, ce sont les maisons d'Allah. D'ailleurs, faites attention, car souvent, nous oublions, nous sommes dans une affaire et nous oublions où nous sommes. Nous bavons des fois dans les mosquées, ils parlent principalement de la mosquée Al-Aqsa, mais en général dans les mosquées, nous oublions où nous sommes. Nous sommes dans une affaire, nous sommes en train de discuter de quelque chose et nous oublions que nous sommes dans la mosquée et nous sommes dans la maison d'Allah. Et d'ailleurs, cette mosquée, précisément la mosquée de Al-Aqsa, est un lieu où les prophètes veulent et rêvent de se tenir debout pour Allah. Alors nous demandons à Allah de nous accorder ses barakas, ses bénédictions et sa miséricorde. Et il se peut d'ailleurs que tu apprennes un nom d'Allah que tu ne connaissais pas. Et ceci est grandiose. Un des noms d'Allah qui sont dans le Coran, ou un des noms avec lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Alors le prophète a cité des noms d'Allah qui ne sont pas dans le Coran, comme par exemple Al-Jamil, le beau, ou Al-Jawad, le généreux, ou Al-Tabib, le médecin. Ces noms-là font partie de ces noms. Mais il se peut aussi que tu apprennes au sujet d'un nom ce que tu ignorais. Comme par exemple le nom Al-Latif. La masse des gens pense que Al-Latif signifie le doux. D'ailleurs, ils disent Ya Latif. En pensant soit doux envers nous. Mais ceci fait partie de la transgression dans les noms d'Allah. Du Udwan. C'est du Udwan le fait de dire Ultuf Bina. Est-ce que il serait permis de dire « Oh Allah, regarde-nous. Oh Allah, sache dans quel état nous sommes. » Non, car il est Al-Alim. Il est Al-Basir. Tu n'as pas besoin de lui dire de voir ou de savoir, car il sait et il voit. Mais par contre, tu peux lui dire « Irhamni, fais-moi miséricorde. » Car il peut te faire miséricorde comme il peut ne pas te faire miséricorde. Et par exemple, tu ne dis pas aussi « Oh Seigneur, kun qadiran ala al-kafirin, sois capable et puissant contre les mécréants. » Il est puissant et il est capable de faire ce qu'il veut. Il est al-qadir. Al-latif aussi, et nous l'avons développé précédemment dans des cours précédents, Al-Latif fait partie des noms de l'ilm d'Allah, des noms de science d'Allah. Allah d'ailleurs cite souvent son nom Al-Latif ma'a Al-Khabir, le tout connaissant, le connaisseur de toutes choses. Al-Khabir, Al-Latif ou Al-Khabir. C'est ainsi qu'il se nomme. Regardez comment Allah a réuni ces deux noms dans Sourate Al-Mulk. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa Al-Latif Al-Khabir. Ne sait-il donc pas ce qu'il a créé ou qui il a créé alors qu'il est Al-Latif Al-Khabir, le tout connaisseur. Le tout connaisseur. Il sait, il est Al-Latif Al-Khabir. Partout où tu vois le nom de Al-Latif dans le Coran, partout où tu vois le nom Al-Latif, tu le trouves dans le ilm, dans la science. Jusqu'à ce que l'imam, alayhi wa alihi salatu wassalam, a dit à sa femme, Aisha radiallahu anha, pourquoi m'as-tu suivi? Un jour, le prophète était sorti au cimetière, le Baqi', et Aisha l'a suivi. Et le prophète lui demande, pourquoi m'as-tu suivi? Alors Aïcha se tue. Et elle lui dit, et le prophète lui dit, soit tu m'en informes, tukhbiru et tukhbirini, soit tu m'en informes, soit m'en informera Al-Latif Al-Khabir. Soit m'en informera Al-Latif Al-Khabir. Al-Latif et Al-Khabir, le connaisseur de toutes choses. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sert du nom d'Allah, Al-Latif, pour apprendre quelque chose. Est-ce clair, mes frères? Donc, Al-Latif fait partie des noms qui ont attrait au ilm. Et malheureusement, qui aussi des noms qui, sur dans la bouche des gens, sur la langue des gens, ont un sens différent que celui qu'il a dans le livre et dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa alihi. Et donc, c'est important de connaître les sens des noms d'Allah pour invoquer Allah comme il se doit. Car Allah dit, « Lahu l'asma'ul husna » à lui les plus beaux noms, « Fad'ouhu biha » invoquez-le avec. Par exemple, il ne convient pas de dire, « Ya Rahim, oh Rahim, oh le tout miséricordieux, détruit les mécréants. » Non, tu dis, « Ya Qawi, ya Aziz, oh le fort, oh le noble, détruit les mécréants. » Là, c'est juste, là, ça convient. « Ya Aziz, » tu dis, « Ya Aziz, ansurna alayhim, oh Aziz, secours-nous contre eux. » Ceci est une construction correcte. « Ya Raouf, dammir Fir'aoun, ya Raouf, oh toi le doux et compatissant, détruis Pharaon. » Non, ça ne convient pas. Ce n'est pas correct. Chaque invocation doit avoir les noms. On doit invoquer pour chaque invocation Allah avec les noms qui correspondent à la situation et à l'invocation que nous faisons. Et Al-Latif est ainsi. Ils veulent par là, par le nom Al-Latif, le doux et l'affectueux, alors que non, Al-Latif fait partie du ilm, des noms du ilm. Et il ne nous appartient pas de tout mélanger. Pareil aussi pour le nom qui est très utilisé aussi d'Allah dans le Coran, Al-Hakim. Les gens pensent que Al-Hakim signifie celui que tout ce qu'il fait est droit, qui a la sagesse, qui d'ailleurs c'est traduit en général par le sage. Mais tu verras que Allah a le plus réuni Al-Hakim, le plus souvent il l'a réuni, et cela nous enseigne, Allah nous enseigne par cela le sens de ces noms, réunissant ces noms les uns avec les autres, soit pour former des couples de noms concordants, soit des opposés. Donc Allah le plus réunit Al-Hakim avec Al-Aziz. Nous pensons que Al-Hikmah fait partie du Il. Que Al-Hikmah, la sagesse, ou ce qui est traduit par la sagesse, Al-Hikmah fait partie du Il. Mais non, quand Allah a réuni entre Al-Latif et Al-Khabir, comme nous avons vu auparavant, nous avons appris ce qu'était Al-Latif. Quand il a réuni entre Al-Ghafour et Al-Rahim, nous avons appris ce qu'était Al-Ghafour. Et pareil, quand il réunit Al-Sami' al-Basir, Al-Alim, Al-Sami' al-Alim, Al-Sami' al-Basir. Donc ces noms sont proches, ont des sens proches, avec des nuances, car la langue arabe a de nombreuses nuances, elles ont donc des nuances entre eux, mais ce sont des sens qui sont proches les uns des autres. Donc maintenant, c'est la même chose pour Al-Aziz, Al-Hakim. Al-Izza, qu'est-ce que Al-Izza? C'est la force, c'est le pouvoir d'empêcher quelque chose. Ça, c'est la base dans la langue. Ta'azzaza fulan, quelqu'un est devenu Aziz, ou a eu plus de Izza. Yani, tamanna'a fulan, il est devenu, il est mieux protégé. Il est mieux protégé, il est plus difficile de l'atteindre. Allah dit d'ailleurs, wa ma dhalika 'ala Allah bi 'aziz. Wa ma dhalika 'ala Allah bi 'aziz. Et cela n'est pas impossible pour Allah. N'est pas impossible pour Allah. Est-ce clair mes frères? Donc Al-'Aziz Al-Hakim, man hakama amruhu, celui qui détient son affaire, rien ne lui échappe. Man hakama amrahu. Donc, est-ce clair, mes frères? Est-ce clair, mes frères? Man hakama amrahu. Celui qui détient son affaire. Celui que rien ne lui échappe. Une chose muhkam, quand on dit d'une chose qu'elle est muhkam, c'est-à-dire qu'elle est bien ficelée. La plus noble des sciences, et d'ailleurs, la plus noble des sciences, c'est que tu apprennes qui est Allah. Il n'y a pas plus noble et plus grande science que le fait de connaître qui est Allah. Qui est Allah. Et d'ailleurs, le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa alihi, Abu Dhar al-Ghifari, radiallahu anhu, a dit, il te suffit que tu parles de autre qu'Allah comme péché. Il te suffit comme péché que tu parles de autre qu'Allah. Que tu sois en train de parler, que tu ne sois pas en train de parler d'Allah, que tu parles d'autre qu'Allah. Cela suffit comme péché, juste car tu n'es pas en train de parler d'Allah. Ithman, il dit. Kafaka ithman, an takuna fi ghayri dhati Allahi muhaditha. Il te suffit comme péché, comme ithm, que tu ne sois pas en train de parler d'Allah lui-même. Le prophète a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa alihi a dit, si des gens font une assise et n'invoquent pas le nom d'Allah et se lèvent sans avoir invoqué le nom d'Allah, c'est comme s'ils s'étaient levés autour de la charogne d'un âne, sur la dépouille d'un âne. Et dans une autre version du hadith, ils auront de grands regrets dans l'au-delà à cause de cette assise. Seulement car ils ont fait une assise sans évoquer le nom d'Allah. Et Allah Azza wa Jal dit: "Fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh wa yuzkara fiha ismuh." Dans des maisons qu'Allah a ordonné, permis d'élever et dans lesquelles il a ordonné que soit mentionné son nom à lui, Allah. Alors glorifiez-le et soyez heureux par le Coran. والحمد لله رب العالمين. D'ailleurs, il a dit تبارك اسم الله. Gloire au nom d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, écoutez bien, فينسخ ما يلقي الشيطان. فاسمعوا. Et Allah efface ce que Shaytan envoie. ثم يحكم الله آياته. Ensuite Allah يحكم, fait que ces versets soient dominants, que ces versets dirigent. Wallahu alimun hakim. Et Allah est savant. Alimun hakim. Hakim. Ce hakim ici, c'est Allah l'a mis avec alim. Mais après, yuhkimullah. Donc ce hakim, c'est du ihkam. C'est du fait de mettre en position de force. C'est pas du rachet, ce n'est pas le fait que ce soit de bonnes paroles. C'est le fait que ces paroles soient en position de force. Et que Shaytan n'ait pas de voix à cela. Et il dit au début de Hud, subhanahu wa ta'ala, Alif Lam Ra. Ce sont les lettres par lesquelles Allah commence surat Hud. كتاب أحكمت آياته, un livre dont les versets ont été أحكمة, uhkimat, qui ont été mis en position de force, en position de commandement. Thumma fussilat, qui ont été ensuite détaillés et expliqués. Min ladun hakimun hakim, min ladun hakimin khabir, de la part d'un hakim, d'un khabir, tout connaisseur de toutes choses. Le muhkam, c'est le fort. Et l'aziz, c'est celui que rien ne contre. On revient sur le sens. Donc, le muhkam, c'est celui qui est en position de force. Et l'aziz, c'est celui que rien ne peut contrer. Donc, Allah a réuni ces deux noms, car ils sont proches l'un de l'autre, avec certaines nuances. Donc, la correction de Al-Latif et de Al-Hakim, c'est ce que vous venez d'entendre. Mais il y a une chose à bien comprendre, c'est que Al-Hakim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Kabir, Al-Malik, Al-Malik, Al-Muqtadir, Al-Latif, Al-Khabir, tous ces noms font partie des noms d'Allah. Vous comprenez ce que je veux dire? Tous ces noms font partie des noms d'Allah. Ar-Rahim fait partie des noms d'Allah. Et ce n'est pas Allah qui fait partie des noms de Ar-Rahim, mais bien Ar-Rahim qui fait partie des noms d'Allah. Donc le nom principal, c'est bien Allah. Et un deuxième nom, Ar-Rahman, celui que nous sommes en train d'étudier, celui dont nous cherchons la signification dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, cela, je l'ai dit il y a des années, quand ceci m'est apparu. Puis Allah nous a permis d'étudier le Coran en profondeur. Et nous enseignons donc ce qu'Allah nous a permis de découvrir de vrai et ce par quoi il nous a éprouvé de faux. Dans ce que nous disons, il y a le vrai et le faux, comme toute personne, en dehors du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Donc quand nous sommes arrivés à Ar-Rahman Ar-Rahim, nous avons trouvé que ce qui nous était apparu était juste, que Ar-Rahman n'est pas ce que les gens pensent, c'est-à-dire que Ar-Rahman n'est pas le jumeau de Ar-Rahim, mais plutôt n'est pas le jumeau de Ar-Rahim, comme par exemple Al-Ghafur Ar-Rahim, qui ces noms qui sont concordants, ou comme Al-Sami' Al-Basir, ou Al-Qawi Al-Aziz. Il pense pareil pour donc Sami' Al-Basir, celui qui entend tout et celui qui voit tout. Al-Qawi Al-Aziz, le fort, le noble, le puissant. Il pense pareil pour Ar-Rahman et Ar-Rahim. Que Ar-Rahman et Ar-Rahim, ce sont des noms qui concordent avec une petite nuance entre les deux. D'ailleurs, dans presque tous les livres, dans beaucoup de livres, si ce n'est tous, ce n'est presque tous, la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim, c'est que Ar-Rahman al-dunya wal-akhira bi mu'minihim wa kafirihim, que Ar-Rahman il est wa kafirihim, que Ar-Rahman il est miséricordieux ici-bas et dans l'au-delà avec toute la création, croyants et mécréants, et que Ar-Rahim ce n'est qu'avec les croyants. Ou l'inverse, l'autre on dit l'inverse. Mais dans les deux cas, ces définitions ou ces significations sont fausses quand on essaye de les mettre devant le livre d'Allah et devant où Allah et devant les endroits où Allah a cité le nom de Ar-Rahman, son nom Ar-Rahman dans le livre Al-Qur'an Al-Karim. والذي نفسي بيده. Et je jure par celui qui détient mon âme dans sa main que le Coran offre de la science comme rien d'autre, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni entre les deux, si ce n'est un prophète à qui il est révélé. Et je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. Allah guide par ce livre, ce Coran. Il guide les plus égarés, l'être le plus égaré de sa création. Wa rabbil alamin, par le Seigneur de l'univers. Ni la langue, ni al-lisan al-arabi, la langue arabe, ni les livres, ni les personnes, ni personne ne peut expliquer Ar-Rahman, ne peut expliquer qu'est-ce qu'Ar-Rahman, ne peut expliquer qui est Ar-Rahman, si ce n'est Al-Qur'an, si ce n'est Ar-Rahman lui-même. Ou, bien évidemment, le prophète, son prophète, le prophète d'Allah, alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, si tu as une parole du prophète, sallallahu alayhi wa alihi, c'est la vérité. Celle-ci est la vérité. Mais nous n'en avons pas trouvé où le prophète, sallallahu alayhi wa alihi, cite le nom Ar-Rahman. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa alihi, nous a enseigné. Qu'est-ce que Ar-Rahman? Vous savez comment il nous l'a enseigné? Il nous a lu le Coran. Tu ne pourras pas venir lui dire, Ya Rasulullah, tu ne m'as pas enseigné qu'est-ce que Ar-Rahman. Ya Rasulullah, je ne savais pas qu'est-ce qu'était Ar-Rahman. Il te dira, mais n'as-tu pas lu le Coran? Ne t'ai-je pas enseigné le Coran? Ne t'ai-je pas lu le Coran? Dans le Coran, tu trouveras le sens de Ar-Rahman. D'ailleurs, expliquer c'est autre chose. Mais il a enseigné en récitant. D'ailleurs, quand Omar, radiallahu anhu, est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa alihi, et il lui a posé des questions au sujet de Al-Kalal, l'héritage pour Al-Kalal, c'est-à-dire celui qui n'a ni père, ni ascendant, ni descendant. Le prophète, sallallahu alayhi wa alihi, lui a dit, ne te suffit-il pas le verset de Surat An-Nisa? C'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa alihi, a déterminé ou a considéré qu'il avait enseigné qu'est-ce que Al-Kalala et comment gérer Al-Kalala en récitant les versets qu'il avait reçus de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète considère qu'il a enseigné comment? En récitant tout simplement. D'ailleurs Allah dit Inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alayna bayana. À nous incombe sa compilation et sa lecture et sa récitation. Et à nous, et ensuite à nous, donc quand nous le récitons, écoute sa récitation. Ensuite, à nous incombe sa clarification et son explication. On vous a dit auparavant, on a déjà parlé de ceci auparavant, dans des cours précédents avant la série Ar-Rahman, que les lettres de la base des mots en arabe, lorsque nous changeons leur place, nous pouvons tomber sur des noms qui soit nous donnent une nuance qui ressemble au mot, soit qui nous donnent l'inverse. D'ailleurs, en arabe, on dit qu'on connaît un mot par son opposé. Donc, si nous revenons au nom dans lequel nous sommes, Ar-Rahman, nous avons la base qui est Rahama. Rahama. Un mot qui suffit, en inversant les lettres, on tombe sur harama, rahama, harama. Rahama, donc, qui signifie miséricorde, harama, on traduit soit par interdit, soit par sacré pour le masjid al-haram, mais à la base c'est l'interdit, al-haram. Donc la miséricorde c'est le fait de donner. Allah Azza wa Jal dit وَآتَيْنَاهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَا وَآتَيْنَاهُ مِنْ رَحْمَتِنَا. Et nous lui avons donné de par notre miséricorde. Alors que harama, c'est l'inverse, c'est interdire, c'est stop. وَحَرَامٌ عَلَيْهِمْ. Et il aurait interdit, et il aurait empêché d'eux. Et cela est très présent dans le Coran et dans la langue lisan al-arabi, la langue arabe. D'ailleurs, qui nous a enseigné Al-Bayan? C'est Ar-Rahman. Écoutez le début de Surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allama al-Qur'an. Khalaqa al-insan. Allamahu al-Bayan. Ar-Rahman. Il a enseigné le Coran. Il a créé l'homme. Et il lui a appris l'éloquence. Si tu veux savoir qui est Ar-Rahman, je vais te rapprocher le sens de Ar-Rahman. Dans Surat Sad, il a dit à son sujet, subhanahu wa ta'ala, « Am indahum khazainu rahmati rabbika al-aziz al-wahhab. Am indahum khazainu rahmati rabbika al-aziz al-wahhab. » Ou bien ont-ils les trésors, les réserves de la miséricorde de ton Seigneur, Al-Aziz, le fort, le puissant, Al-Wahhab, celui qui octroie, celui qui donne. Al-Aziz est celui qui empêche, celui qui retient. Et Al-Wahhab est celui qui donne. Si tu savoir, ce sont donc des noms opposés. Al-Aziz, Al-Wahhab. Si tu veux savoir quel est le sens de Ar-Rahman, réunis-le avec Ar-Rahim et comprends Ar-Rahman et Ar-Rahim comme tu as compris Al-Aziz et Al-Wahhab. Al-Aziz est celui qui retient, qui empêche. Et Al-Wahhab est celui qui donne. Ar-Rahim est celui qui fait miséricorde. Ar-Rahim est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais Ar-Rahman est le tout puissant et l'inverse de cela. Et Ar-Rahman et donc Ar-Rahim est donc le nom par lequel Allah nous donne et nous attire par sa miséricorde. Mais Ar-Rahman est le nom par lequel Allah effraie ses serviteurs. Le nom par lequel Allah effraie ses esclaves. Bien sûr, cela est le contraire de ce qu'il y a chez les gens pour qui Ar-Rahman est pareil que Ar-Rahim, qui est pareil que Al-Wadud, que tous ces noms sont proches. Dans le sens. Mais connaissez-vous un homme qui soit plus savant, qui connaisse mieux Allah que Ibrahim, en dehors de notre prophète Mohammed, alayhi as-salatu was-salam? Connaissez-vous quelqu'un de plus savant que Ibrahim? Ibrahim a effrayé son père. Ibrahim a menacé son père par Ar-Rahman. Il a dit: Inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-Rahman. J'ai peur qu'un châtiment. Inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-Rahman. J'ai peur qu'un châtiment te touche de la part du Rahman. Et Ibrahim est dans une situation où il veut faire peur à son père. Nous avons déjà développé cela dans le premier cours. Et si Ibrahim, par souci pour son père, connaissait un nom plus effrayant que Ar-Rahman, qui effrayerait plus son père que Ar-Rahman, il l'aurait dit ici. Donc Ar-Rahman est un nom et le nom le plus effrayant. Donc le nom le plus effrayant que Ibrahim connaissait, c'était Ar-Rahman. Et donc Ar-Rahman est un nom effrayant et un nom grandiose pour celui qui a su. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc nous venons de terminer la troisième traduction du cours du Cheikh Abu Arafa. Je vous remercie de votre attention. Je vous propose encore de vous abonner à la chaîne, d'aimer le cours, de partager ce cours, de me proposer, de me donner de poser des commentaires, de poser des questions si vous en avez. Et barakallahu fikoum de votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.